plus des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Allô, allô, bienvenue dans le grenier pop sur les ondes magiques de CIBL 105 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie, je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure pour monter dans l'échelle qui mène au grenier, ce fameux grenier rempli de mes souvenirs, de curiosités et, on doit le dire, d'un peu n'importe quoi. Et cette semaine, pas de sujet précis, non, j'ai plusieurs nouvelles liées au monde du vintage que j'aimerais discuter avec vous. Et tout ça en écoutant de la musique un peu spéciale. Cette semaine sur YouTube, je me suis mis à écouter des remixes de vieux génériques de nos émissions d'enfance et j'en ai trouvé plusieurs intéressants. Donc, au travers de mes discussions cette semaine, on va en écouter certains. Et bon, on débute avec un remix que j'aime bien, du générique des Barbapapa, qui est dans ma liste de chansons que je réécoute de temps en temps. Donc, on l'écoute dans le grenier pop. Venir les Premier sujet dont je voulais discuter avec vous, c'est le retour des Muppets à la télé. Et oui, le Muppet Show a fait son retour sur Disney+. Je vous en avais parlé dans un précédent Grenier Pop qu'ils étaient sur le point de faire un retour. Eh bien, c'est fait. Cela a eu lieu le 4 février. Kermit, Miss Piggy et toute l'équipe des Muppets sont revenus dans un épisode spécial pour célébrer le 50e anniversaire de la série originale qui, elle, a été diffusée de 1975 à 81. Dans la tradition des shows de variété, les personnages du Muppet Show sont revenus avec des sketchs, de la musique et un vrai chaos en coulisses pour se représenter à leurs fans et au public de la nouvelle génération. Moi, je viens d'écouter ce spécial qui dure 32 minutes et c'était quand même pas mal divertissant, amusant, réconfortant, ajoutez-en. C'est sûr que moi, j'ai déjà écouté les Muppets quand j'étais plus jeune, donc je replongeais dans un format que je connaissais et qui avait bien sûr fait le succès des Muppets. Cette fois-ci, c'est Seth Rogen, l'acteur, humoriste, scénariste, producteur et réalisateur canadien qui était en charge de produire cet épisode. Et bon, il a eu une bonne idée car il a choisi de ne pas réinventer la roue pour ce spécial anniversaire. Lui, il a situé l'action de cet épisode dans le même théâtre qui a fait le succès des marionnettes avec son orchestre et son ouverture mythique. Il a également repris le format d'une demi-heure, alternant les numéros musicaux plus ou moins loufoques, les sketchs humoristiques et de courtes séquences se déroulant dans les coulisses, le tout évidemment pimenté par la présence d'un invité d'honneur humain. Kermit, lui, en bon maître de cérémonie, il a tenté de garder le show à bout de bras pour éviter que tout ne s'écroule sur lui-même, tout en canalisant les différents Muppets au caractère bien trempé, mais bon, qui était délicieusement fantastique. L'excellente idée est d'avoir choisi comme fil conducteur le fait que Kermit doive sélectionner parmi plusieurs propositions les numéros qui composeraient le spectacle de ce spécial. Et bien sûr, chacun des Muppets voulait absolument être dans l'émission et être sur scène pour le grand retour du show. Et une des tâches compliquées de Kermit aura été de convaincre Miss Piggy qu'elle ne pourrait présenter un numéro solo qui coûterait beaucoup trop cher. Bon, et finalement, Kermit a dû jouer de finesse pour la convaincre sans provoquer l'une de ses colères légendaires. Dans ce spécial, je l'ai dit un peu plus tôt, il y avait un invité vedette humain, c'était Sabrina Carpenter. C'est une chanteuse, autrice, compositrice, interprète et bon, moi je la connaissais pas, mais d'après ce que je lis, elle est bien connue dans l'univers de Disney et à l'extérieur aussi. Elle est venue chanter avec les Muppets plusieurs chansons, dont une que j'ai bien aimée, où elle chantait avec Kermit. La, la, la, la. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Aussi, on a eu droit durant l'épisode à une chanson un peu plus marquante où Rizzo the Rat, accompagné d'un groupe de rats, est venu chanter une version de la chanson Blinding Light du chanteur The Weeknd. On l'écoute aussi. Now for our next musical number, let's take it to the streets, the rat infested streets. I've been trying to claw. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around and Sin City's cold and empty. No one's around to judge me. I can't see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the light. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. Hey, hey, hey! Évidemment, ce qui est drôle, c'est pas la chanson en elle-même, mais ce qui se passe sur le plateau pendant que les roches chantent et tous les petits problèmes qu'ils rencontrent. Donc, il faudra aller écouter l'épisode pour en apprécier pleinement les numéros. Durant le spécial, on a aussi eu droit à d'autres numéros, à commencer par le grand Gonzo qui présente un numéro d'acrobatie où il tente de sauter à travers des cerceaux et des lames coupantes en s'élançant sur des patins à roulettes autonomes. Naturellement, bon, rien ne s'est passé comme prévu. Il est parti dans la mauvaise direction et n'a jamais réussi à s'arrêter pendant tout le spectacle. Il y avait aussi l'actrice Maya Rudolph qui a fait un caméo amusant dans le public. Enfin, pour le dernier numéro, Kermit a finalement fait appel à tous les Muppets sur scène pour interpréter Don't Stop Me Now de Queen. Comme ça, au grand plaisir de tous, tous les Muppets ont pu participer au spectacle. But we promised to do a great show for you, and I hope that you at least enjoyed some of it. Yeah. Well, now we're at the end, and you're all probably wondering what the final number is. In fact, I was supposed to come out here and announce one of the acts waiting backstage. But I'm sorry. I'm not gonna do that. See? I can't trust anyone. Tonight, we're gonna have ourselves a real good time. I feel alive. And the world, I'll turn it inside out. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause we're having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. A racing car passing by, like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, 'cause I don't wanna stop at all. Don't stop me, don't stop me, ah, ah, ah. Don't stop me, don't stop me, ooh, ooh, ooh. Voilà, moi j'ai bien aimé ce retour des Muppets, ça fait du bien un spectacle de marionnettes. Et d'après ce que je lis, les critiques, comme les fans ont salué à l'unisson le retour du show, il ne reste que donc plus qu'à espérer que les chiffres d'audience soient bons afin que ce spécial, bon, devienne un véritable pilote et serve de rampe de lancement à une saison complète des Muppets. Bon, et pour conclure ce spécial des Muppets, évidemment, Statler et Waldorf, les deux critiques chialeux, sont venus clore le spectacle avec une petite blague un peu acerbe. Huh. I got this sharp pain in my left arm. I wonder what that's about. Well, I'll tell you this much, it's not from clapping. Et voilà, je vous traduis la blague, il disait « J'ai une douleur dans le bras gauche, qu'est-ce que c'est? » Puis l'autre répond « C'est pas à force d'applaudir, c'est sûr. » Voilà, si vous voulez écouter le spécial, c'est sur la chaîne Disney+, ou ailleurs sur le web, si vous savez chercher. OK, maintenant, on y va avec les Cités d'or, version EA Disco House. On écoute ça. Cherche les cités d'or. Ah. Sujet vintage dont je voulais vous parler. Pokémon! Bon, saviez-vous que Pokémon fête ses 30 bougies? Pika Pika! Pika Pika! Pika! Pika Pika! Pika Pika! Pikachu! Pikachu! Et oui, le 27 février 1996, Nintendo lançait au Japon deux jeux destinés à une petite console portable appelée la Game Boy. Des titres simples Pokémon Red et Pokémon Green qui allaient pourtant bouleverser l'industrie du jeu vidéo et marquer toute une génération. 30 ans plus tard, alors que le nombre de Pokémon dépasse maintenant les 1000 créatures, la franchise est toujours aussi vivante, aussi populaire et peut-être même plus influente que jamais. À l'époque, le concept était un peu révolutionnaire dans sa simplicité. C'était d'attraper des créatures, les entraîner, puis les échanger avec d'autres joueurs grâce au fameux câble Link. Une idée venue à Satoshi Tajiri qui s'inspirait de sa passion d'enfance pour la collecte d'insectes. Et puis, il y avait des personnages devenus instantanément cultes comme Pikachu ou encore Ash, le héros de la série animée, une recette gagnante qui a conquis le monde entier. Après un succès phénoménal au Japon, les jeux sont exportés en Amérique du Nord en 1998 sous le nom de Pokémon Red et Pokémon Blue, puis en Europe l'année suivante. Résultat, bon, il y a eu des millions d'exemplaires qui ont été vendus et une base de fans qui n'a jamais cessé de grandir. En 2016, la franchise a connu une nouvelle explosion de popularité grâce à Pokémon Go, le jeu sur nos téléphones mobiles en réalité augmentée qui permet d'attraper des Pokémon dans la vraie vie. Plus d'un milliard de téléchargement plus tard, Pokémon se retrouve propulsé dans la culture mondiale une deuxième fois. Bon, puis si vous jouez comme moi à Pokémon Go, vous avez probablement participé le week-end du 28 février à l'événement mondial Pokémon Go Tour Kalos Global 2026, un grand événement mondial avec plein de missions et des rencontres avec des Pokémon légendaires. Et Pokémon, c'est quoi? C'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi une série animée de plus de 1300 épisodes, plusieurs films, des mangas, des vêtements, des jouets, des peluches et bien sûr, les fameuses cartes à collectionner. Ces cartes sont aujourd'hui un véritable trésor pour ceux qui évidemment ont les premières générations de ces cartes. Certaines se vendent maintenant à des prix records, comme celle de l'influenceur Logan Paul, qui en a cédé une récemment pour plus de 16 millions de dollars américains. Oh là là, ça, 16 millions de dollars, c'est quand même incroyable. Je suis allé lire un article là-dessus pour en savoir plus. Je ne savais pas c'était quoi cette carte-là. D'après ce que je lis, c'est une carte Pokémon rare qui a appartenu au catcheur et influenceur Paul Logan, qui l'a vendu 16,5 millions de dollars. Et bon, ça, ça a établi un nouveau record pour le prix d'une carte à collectionner aux enchères. Ce qu'on dit dans l'article, on dit que Paul avait acquis cette carte Pikachu Illustrator lors d'un échange d'une valeur de 5,2 milliards de dollars en 2021. Donc, lui, il l'avait depuis quelques années. Puis il dit que c'était la carte, bon, évidemment, la plus chère vendue à l'époque. Le prix de vente d'un paquet standard de cartes Pokémon actuellement, c'est entre 5 à 10 $ pour un paquet de 10 cartes. Et cette carte-là, bon, ils la décrivent comme une pièce de collection inestimable. La carte vendue par Paul représente Pikachu, la mascotte emblématique de Pokémon, tenant un stylo et un plumeau. L'illustration est signée Atsuko Nishida, la graphiste qui a créé de nombreux Pokémon populaires, dont Pikachu. On estime qu'une quarantaine d'exemplaires seulement ont été imprimés, offerts en prix lors d'un concours d'illustration à la fin des années 90. Donc, c'est ça, un peu, qui fait que cette carte a atteint un prix incroyable. Donc, si vous avez cette carte dans vos tiroirs, eh bien, vous êtes probablement plus riche que vous ne le pensez. Sinon, pour célébrer les 30 ans de Pokémon, Nintendo et la Pokémon Company ont vu les choses en grand. Il y a deux nouveaux jeux principaux, Pokémon Wind et Pokémon Wave, qui sont prévus en 2027 sur la prochaine Switch 2. Et surtout, les tout premiers jeux de 1996 feront leur retour sur Switch. Un clin d'œil parfait aux origines de la franchise. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leurs mystères, les secrets de leur pouvoir. Ensemble pour la victoire, Pokémon, viens de nous aider. voilà, on approche déjà de la fin de l'émission de ce grenier pop, mais je pense que j'ai le temps de vous rappeler que si vous êtes amateur de vintage, de vieilles cochonneries, d'odeurs de moisies ou un peu douteuses, vous pouvez toujours visiter, si vous êtes dans la région de Montréal, vous pouvez visiter, et bien sûr, notre temple, le marché aux puces Saint-Michel. C'est vraiment, pour les amateurs comme moi, l'endroit pour trouver plein de choses que vous n'avez pas besoin. Moi, seulement la semaine passée, à mon retour, j'avais dans le taux un Tintin en peluche dont je n'avais vraiment pas besoin, mais que j'ai ajouté dans ma collection de figurines d'un peu tout genre, ainsi que des BD. J'avais une BD de Sesame Street et une de Bugs Bunny, payées moins de 3$ chacune. Dans ce marché, marché aux puces Saint-Michel, vous pouvez vous y perdre tellement c'est grand, il y a même 2 étages, c'est plein de raccoins. Bon, et c'est amusant de prendre son temps pour le visiter. Moi, j'y vais, je vous dirais, aux 3 semaines, et je découvre toujours quelque chose en fouillant. Il y a des boutiques qui mérite vraiment une visite. Il y a une boutique qui vend des affaires d'horreur ou de vaudou, je ne sais pas, mais avec des créatures dans des bols de formol et des animaux effrayants empaillés. Juste pour ça, ça vaut la visite. Aussi, pour les animateurs un peu de films d'horreur, il y a une boutique qui en vend à la tonne. C'est comme un vieux blockbuster. Il y a des films en VHS et la semaine passée, il avait racheté un gros lot de cassettes bêta. Bref, je vous listerai pas toutes les choses à voir et tous les trouvailles que j'ai fait au cours des ans, mais juste pour vous dire que ça vaut le détour comme attraction. C'est ouvert le week-end et si vous ne trouvez pas de parking, eh bien faites comme moi, rendez-vous à la bibliothèque Saint-Michel qui est à peu près à 3 minutes là, à pied. Il y a un parc aussi juste à côté de la bibliothèque, donc il y a plein de parking à cet endroit-là. Voilà, c'est tout pour le Grenier Pop. Soyez heureux, soyez vintage. Comme ta bouche est grande, saute, saute, saute, petite grenouille. Nage, nage, nage, tu n'as pas peur de l'eau. Saute, saute, saute, petite grenouille. Nage, nage, nage, tu n'as pas peur de l'eau. Rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop.